franceinter.fr. C'est un cas unique dans l'histoire du KGB. Certes, la centrale soviétique a vu certains de ses agents espionner pour l'Ouest, faire défection puis passer à l'ennemi. Toutefois, l'officier du KGB, Viktor Orekov, lui, n'a pas trahi sa patrie. Mais il a choisi d'être un dissident tout en restant au cœur de la pieuvre. Mieux, ayant ouvert les yeux sur l'imposture soviétique, il a courageusement décidé de venir au secours de ces dissidents, alors même qu'il était chargé de les traquer et de les envoyer au goulag ou dans l'un de ces hôpitaux psychiatriques où le KGB enfermait les citoyens qui osaient critiquer le système. Oui, un cas unique et douloureux. Car Orekov a fini par être victime du double jeu qu'il menait. Et dénoncé par l'un de ses dissidents qu'il tentait de protéger, il a connu lui aussi le goulag et il a été poursuivi par la haine de ses anciens supérieurs jusque dans les années 90, c'est-à-dire après la disparition de l'URSS. Mais comment s'en étonner puisque le FSB, héritier du KGB, poursuivait ses activités avec les mêmes hommes et parfois les mêmes méthodes. Dans un instant, le récit de Monsieur X. Everybody, двигай жопой, суки, бляди. Come on, everybody, двигай жопой, суки, бляди. Je pense que vous avez vu ce magnifique film allemand, La vie des autres. Oui, c'est sur l'espionnage en ex-RDA d'un couple d'artistes par un officier de la Stasi. Hein. Oui, un officier qui finit par épouser la cause de ceux qui l'espionnent. Eh bien, je pense que le scénariste s'est sans doute inspiré en partie de l'existence du capitaine du KGB, Viktor Orekov. Mmh. Orekov qui est toujours en vie, je crois. Hein. Oui, ouais. À son regret, il a dû s'exiler et s'installer aux États-Unis où il vivote en exerçant des petits boulots. Mmh. Il a donc été forcé de quitter la Russie. C'est ça, je vous expliquerai. Mais n'allons pas trop vite. Bien sûr. Viktor Orekov, c'est d'abord un bon petit soldat du système soviétique, un parcours exemplaire. Racontez. Orekov est né peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Ukraine, dans une famille modeste. Du côté maternel, on est communiste et sans aucun état d'âme. Et de l'autre côté ? Son père, mais Orekov ne l'apprendra que très tardivement, est un koulak. Oui, un petit propriétaire terrien. Oui, qui en outre était très croyant. Bref, un personnage peu recommandable aux yeux des autorités soviétiques. Si peu recommandable même qu'il a été déporté à peu près au moment où le petit Viktor est né. La mère de l'enfant a été obligée de divorcer et sur les registres de l'état civil, il a été mentionné Viktor Orekov, né de père inconnu. Ouais, Orekov fait donc le nom de sa mère. En effet, Le garçon montre très vite d'excellentes aptitudes pour les études. Et après son service militaire dans les gardes frontières, il espère être admis à l'Institut Polytechnique de Kiev. Il veut devenir ingénieur alors. Mais le KGB l'a déjà remarqué et il est choisi pour entrer à la prestigieuse académie de la centrale soviétique, puis à l'Institut Dzerzhinsky. Ouais. Dzerzhinsky, c'est le créateur de la Tcheka. Hein, c'est dans cet établissement, oui, qui accueille la crème des enfants de la nomenclatura que l'on forme les futurs cadres du KGB. Mais Orekov, lui, n'appartient pas à cette élite de la société soviétique. C'est pourquoi le jeune homme est particulièrement honoré d'avoir été sélectionné. Espérant être affecté dans le service du contre-espionnage, il apprend une langue étrangère, le turc, tout en passant un diplôme de juriste. Mmh. Sa vie privée ? Il s'est marié, très jeune, a eu un fils, mais cet ambitieux, accaparé par sa formation, a obtenu la permission de divorcer. Il passe ses examens de fin d'études avec les félicitations. Seul bémol, ces professeurs d'histoire ont observé qu'Orekhov manquait d'arguments pour expliquer les grandes purges des années 30 et la politique isolationniste de l'URSS, l'explication officielle étant qu'il fallait fermer les frontières pour juguler les tentatives d'invasion des services secrets occidentaux. Ouais. Ce bémol, comme vous dites, là, va peser dans la carrière de Viktor Orekhov ? Non. Cependant, à l'issue de ses études, le jeune KGBiste a une crainte. Ah, quoi alors ? Il redoute d'être versé dans le corps des gardes frontières. Ouais, là où il a déjà servi. Et ça ne lui semble pas à la hauteur de ses ambitions. Aussi fait-il des pieds et des mains pour atterrir dans un service plus gratifiant. Et c'est ainsi que, grâce à l'un de ses professeurs, il est admis dans le 5e département. Et c'est ce département dont nous avons parlé la semaine passée à propos de Solzhenitsyn. Oui, une section du KGB créée par son patron depuis 1967, Youri Andropov. Et chargée tout spécialement de surveiller la dissidence. Et plus généralement, les intellectuels. Et ce boulot de pion le satisfait ? Sans aucun doute. Parce que Orekhov est convaincu de la nécessité de tout faire pour sauvegarder un régime dont il est persuadé qu'il est le meilleur du monde. Sincèrement ? Sincèrement, oui. Et quand les circonstances lui feront enfin ouvrir les yeux, il en éprouvera une terrible désillusion. Oui, on en parlera. Alors, pour remonter un peu dans le passé, là, quand Orekhov rejoint-il ce 5e département ? En 1973, avec le grade de lieutenant. Son travail consiste donc à débusquer les ennemis intérieurs, comme on les appelle. C'est-à-dire les femmes et hommes complotant contre le pouvoir et qui, selon l'idéologie officielle, sont forcément en rapport avec des espions des puissances étrangères. Occidentales, oui. Ce 5e département est un service chouchouté par la direction du KGB. Ces agents disposent de moyens techniques considérables pour effectuer des filatures, sonoriser des appartements de dissidents ou opérer des écoutes téléphoniques. Et ça prouve que le Kremlin accorde une grande importance aux activités de ces dissidents. Et ça a commencé dès 1967 avec la condamnation des écrivains Andrei Sinyavsky et Louli Daniel qui ont publié en Occident des livres jugés anti-soviétiques. Ensuite, au tout début des années 70, le 5e département, à l'initiative de Youri Andropov toujours, inaugure de nouvelles méthodes pour vaincre la dissidence. L'enfermement des opposants dans des hôpitaux psychiatriques. Avec l'aide de médecins, forcément. C'est malheureusement vrai. Et dans l'esprit des gens du KGB, ces enfermements répondent à une terrible logique. Seuls des malades mentaux peuvent se mettre en tête de critiquer un régime aussi parfait. Les spécialistes psychiatriques du KGB invente donc la notion de schizophrénie latente. Schizophrénie latente, c'est la maladie des dissidents. Un mal étrange, sans symptômes ni manifestations extérieures évidentes. Enfin bon, je plaisante. Mais la réalité de ces enfermements psychiatriques est abominable, car les pseudo-malades sont abrutis par diverses drogues et parfois soumis à de véritables lavages de cerveau. Et le jeune Orekhov, alors, ne s'indigne pas ? Pas encore, non. C'est un officier discipliné et même très apprécié, qui mesure avec satisfaction les privilèges qui accompagnent sa position. Je ne parle pas seulement des avantages matériels, qui ne sont pourtant pas négligeables, non. Orekhov, qui deviendra bientôt capitaine, se rend compte qu'il dispose d'un pouvoir considérable. Officier du KGB, il est donc plus puissant que bien des hauts apparatchiks, et même de ministre. Oui, parce que le KGB fait peur. C'est certain, et sa fonction lui offre de nombreuses facilités, assez excitantes pour un jeune homme. Il dispose, par exemple, de plusieurs pseudos et des cartes professionnelles qui y sont attachées. Tantôt, il est magistrat à la Cour de justice de Moscou. Tantôt, il est enquêteur du service d'investigation criminelle. Ou bien encore, assistant à l'Institut de radiotechnique. Et quand il doit mener des interrogatoires ou recevoir ses indicateurs, il a accès à un appartement secret du KGB. Mmh. Mais concrètement, là, en quoi consiste son travail ? Il doit aller au contact des dissidents. Au contact, c'est-à-dire ? Avec d'autres tchéquistes qui se mêlent à la foule, il participe, par exemple, aux manifestations que les dissidents organisent régulièrement place Pouchkine à Moscou. Il s'agit de repérer les opposants, de les photographier, et dans le meilleur des cas, d'essayer de les approcher, peut-être même de les retourner. Mais c'est un point sur lequel je reviendrai. Autre aspect du travail d'Orekhov, les perquisitions opérées chez les présumés dissidents. Mais pourquoi ? Pour saisir des documents compromettants ? Des samizdat, par exemple. Mmh. Les samizdat, ce sont ces textes clandestins, littéraires ou pas, qui circulent sous le coude en URSS. Oui, c'est un aspect essentiel pour Orekhov. Lecteur impénitent, il a ainsi accès à toute la littérature interdite en URSS. Et il apprécie ? Bah, apparemment, oui. Il ressent même une légitime fierté quand il se trouve être le premier officier du KGB à lire la somme de Solzhenitsyn, l'archipel du Goulag, et en faire une analyse pour ses supérieurs. Mais à force de lire toute cette littérature qui circule sous le manteau, là, ne risque-t-il pas d'être contaminé, si je puis dire ? Ah bah, c'est là, en effet, le véritable danger que court cet officier du KGB. Et bientôt, ses certitudes vont vaciller. Rendez-vous avec X. Dans un livre passionnant, Viktor Orekhov, un dissident du KGB, le journaliste et documentariste Nicolas Jalot retrace le parcours de l'officier du KGB qui lui a confié ceci. « J'étais un communiste passionné. J'étais persuadé d'œuvrer pour mon pays. Oui, nous faisions des saloperies, mais c'était notre rôle et ce à quoi nous avions été formés. Oui, j'ai certainement interrogé, arrêté ou fait arrêter et contribué à faire condamner des innocents. Mais nous étions alors convaincus qu'il représentait une menace pour notre société. Je ne peux pas avoir de regrets. Je pensais que notre tâche était nécessaire et que la même chose existait dans tous les pays. C'était ainsi à l'époque et au début, cela ne m'atteignait pas profondément, car j'étais un vrai KGBiste, fidèle au service, à la patrie et aux idées communistes. J'appartenais à l'élite. J'entrais dans n'importe quel magasin par la porte de service réservée au KGB et j'ignorais ce que c'était de faire la queue. Dans les administrations, je pouvais ouvrir à coups de pied la porte de n'importe quel bureau, car tout le monde avait peur de moi. Est-ce la seule lecture de cette littérature interdite qui va lui dessiller les yeux ? Non, pas seulement. Ses premières vraies interrogations naissent pendant un voyage qu'il effectue au Japon. Un cadeau du KGB qui, selon ses supérieurs, récompense ainsi ses mérites. Mais comme rien n'est jamais tout à fait gratuit en URSS, Orekhov est chargé d'accompagner la troupe du Bolchoï. Ouais, c'est-à-dire surveiller ses membres. Et éviter que certains d'entre eux ne choisissent la liberté, comme on disait alors. En tout cas, ce voyage au Japon... Son premier voyage à l'étranger. Hein. Oui, oui. Ouais. Et pour lui, c'est une vraie révélation. Car il découvre que tout ce qu'on lui a raconté sur le monde capitaliste était faux. On ne fait pas la queue devant les boutiques et les gens ne meurent pas de faim. Ouais. Première fêlure. En tout cas, ça le fait réfléchir. Si on lui a menti sur ce point, pourquoi pas sur d'autres ? Son métier, par exemple ? Oui, ça vient tout doucement. Et si c'était les dissidents qui avaient raison de dénoncer un système sclérosé, corrompu et inhumain ? Et un jour de 1974, il franchit la ligne jaune. Comment ? Il est alors chargé du dossier de deux jeunes filles accusées d'avoir détenu un livre interdit de l'écrivain dissident Amalric. Et dans la société brejnevienne, ça peut leur coûter très cher. Perte de leur emploi, prison et peut-être même camp de travail. Alors, Orekhov, qui a lui-même lu et apprécié Amalric, décide de leur venir en aide. Il indique à ces deux jeunes filles terrorisées comment expliquer la possession de ce livre subversif. Elles achetaient des livres au marché noir. Et un vendeur leur a glissé cet ouvrage dans les mains. Ouais, sans qu'elles réalisent que c'était un livre interdit. Et quand elles s'en sont rendues compte, il était trop tard pour rendre le livre à son propriétaire. Et Orekhov rédige son rapport en ce sens. Et ça se termine comme ça alors pour ces deux jeunes filles ? Ah oui, tout à fait. Mais après, comment peut-il encore exercer son métier de KGBiste ? Bah, il est vrai qu'il se sent de plus en plus mal dans sa peau. Et comme démissionner du KGB, c'est risquer de passer à son tour pour un ennemi de l'intérieur, Orekhov demande à être muté dans une ambassade ou dans une représentation commerciale à l'étranger. Mais il est victime de lui-même. Ouais, ce que voulez-vous dire, là ? Il est considéré comme un trop bon élément pour qu'on le laisse filer. Son supérieur s'oppose donc à sa mutation et Orekhov reste dans le 5e département. Mais alors, comment va-t-il s'arranger, là, avec sa conscience ? Eh bien, ce brillant capitaine choisit la seule solution qui lui semble acceptable. Désormais, il va protéger autant qu'il le peut ces dissidents qu'il est pourtant chargé de pourchasser. Un jeu dangereux. Ah, très dangereux. Mais au moins, il sera en paix avec lui-même. Ici, il faut dire que le mouvement des dissidents a changé de dimension. En 1975, en effet, s'est tenue la conférence d'Helsinki. Ah, une conférence Est-Ouest. Et les dirigeants des pays de l'Est, Brejnev en tête, ont dû apposer leur paraphe sur un texte reconnaissant à leurs concitoyens le respect de leur liberté d'expression. Ouais, libre circulation des hommes et des idées. C'est ça. Et à Moscou, il s'est créé un mouvement, le groupe Helsinki. On y trouve les dissidents les plus célèbres, Sakharov, Boukovski ou encore la femme du grand violoncelliste Rostropovitch. Après la signature des accords d'Helsinki, ils estiment disposer maintenant d'une base légale pour exiger de pouvoir s'exprimer librement. Ouais, mais le Kremlin n'est pas décidé à leur accorder ce droit. Bien entendu. Pour les autorités soviétiques, les dissidents continuent d'être des éléments asociaux, tout juste bons à être envoyés en hôpital psychiatrique. Et ça, Orekhov ne le supporte plus. Il est particulièrement choqué quand un homme qu'il admire, un héros de la Seconde Guerre mondiale, le général Grigorenko, est enfermé dans l'un de ses établissements pour malades mentaux. Vous avez dit qu'il allait essayer de protéger les dissidents, c'est bien ça. Mais concrètement, là, que peut-il faire? Lors des perquisitions qu'il effectue, il oublie, par exemple, d'y trouver de la littérature interdite et il la met de côté. Mais il va encore aller plus loin. Quand il apprend qu'un dissident va être perquisitionné ou arrêté, il le prévient. Mais de quelle façon? Il lui téléphone d'une cabine publique en déguisant sa voix. Oui, parce qu'il est bien placé pour savoir que la ligne de cet opposant est sur écoute. Et du côté des dissidents, alors comment réagit-on? On s'interroge et on se méfie. Ce prétendu ange gardien n'est-il pas en réalité un mouchard du KGB? Ouais, on craint une provocation. Par exemple, oui. Orekhov, s'il veut vraiment être utile à ses dissidents, doit donc gravir encore un échelon. C'est-à-dire se risquer à se mettre directement en contact avec l'un de ses dissidents. D'accord, mais des dissidents, là, dans son métier, il en voit sans cesse lorsqu'il perquisitionne leur domicile. Oui, mais il est rarement seul au cours de ses opérations. Alors il va user d'un subterfuge assez malin. Orekhov obtient de ses supérieurs l'autorisation de tenter de recruter un dissident important. Ouais, c'est-à-dire en faire un indique. Exactement. Mais au lieu de le recruter, il lui demandera de devenir son contact auprès des dissidents. Quoi qu'il en soit, c'est donc dûment mandaté par sa hiérarchie qu'il se rend chez le mathématicien Mark Morozov. Et ça se passe comment alors? Les rapports entre l'officier du KGB et le professeur dissident sont d'abord difficiles. Ouais, Morozov a du mal à croire à la sincérité d'Orekhov. C'est bien naturel. Il a peur de tomber dans un piège et d'être victime d'une manipulation. Mais c'est vrai, peu à peu, les deux hommes s'apprivoisent. Et Morozov finit par faire confiance à Kletochnikov. Qu'avez-vous dit, là? Kletochnikov, c'est le pseudonyme que le mathématicien attribue à l'homme du KGB en référence à un agent double du 19e siècle qui espionnait les services tsaristes pour les révolutionnaires. Et quel service, là, Kletochnikov, rend-il aux dissidents par l'intermédiaire de Morozov? Il leur transmet les informations de premier ordre, les perquisitions ou les arrestations prévues par le KGB, ou encore les mises sur écoute effectuées par le 5e département. La sonorisation des appartements, par exemple. Ouais, c'est-à-dire la pose de micro. Une technique où les services soviétiques étaient passés maîtres, vous le savez bien. C'est donc Morozov qui transmet ces renseignements fort utiles. Et ça permet apparemment à Orekhov de prendre moins de risques. Parce que un jour ou l'autre, ces appels qu'il donnait de cabine téléphonique, ils auraient fini par attirer l'attention de ses collègues du KGB. Mais vous avez dit apparemment. Oui, parce que Orekhov, alias Kletochnikov, se met entièrement entre les mains du mathématicien. Sa sécurité dépend de lui. Or, Morozov parle beaucoup trop. Les imprudences? Pas seulement. Les amis du mathématicien, dissidents comme lui, ont du mal à croire qu'un agent du KGB puisse être un ami sincère. Donc, pour les convaincre, Morozov multiplie les informations sur son Kletochnikov. Et ce faisant, il le met en danger. Ouais, car le milieu des dissidents est poreux. Il est évident que le KGB a essayé de les infiltrer. Mais dans ce cas-là, Orekhov devrait être le premier à savoir. Orekhov, oui. Mais pas Morozov. Rendez-vous avec X tous les samedis à 13h30 sur France Inter. Illustration de la méfiance que suscite Orekhov chez les dissidents dans le livre de Nathan Charansky, Tu ne craindras pas le mal. Quelques semaines avant mon arrestation, Morozov, un dissident de Moscou, avait confié à plusieurs d'entre nous une information sensationnelle. Un agent du KGB avait proposé de fournir des informations sur les intentions du KGB. Au début, personne ne l'avait cru et les plus excités l'avaient envoyé promener, affirmant qu'il ne tenait pas à se voir compromettre dans des provocations. Mais des renseignements concrets commencèrent à parvenir de la source de Morozov, portant sur des perquisitions et des arrestations dont certains se révélèrent vrais. J'étais l'un des rares à continuer de rencontrer Morozov. Même si, comme je le pensais, on le manipulait, je croyais qu'il fallait déterminer avec exactitude la nature des informations que le KGB tenait à nous faire parvenir. Morozov accumule donc les imprudences. Orekhov, qui continue pourtant à fréquenter le mathématicien, se rend compte que les dissidents n'ont pas évalué à sa juste mesure la puissance tentaculaire du KGB. Oui, il pêche par naïveté. C'est certain. Mais malgré tout, Orekhov poursuit sa tâche. Il lui est plus possible de retourner en arrière. Il est trop mouillé, si j'ose dire. Oui, sa seule sauvegarde, c'est qu'il peut espérer que si une dénonciation parvient au KGB, elle attirera peut-être d'abord sur son bureau. Ou que d'une manière ou d'une autre, il en aura vent. Mais sa situation devient quand même de plus en plus précaire. Et un beau jour de 1978, alors que la lutte contre la dissidence prend encore de l'ampleur, il s'aperçoit qu'il fait l'objet d'une filature. Le KGB ? Forcément. En même temps, il trouve que ses collègues du KGB n'ont plus les mêmes rapports avec lui. Il est devenu suspect. Oui. Pourtant, prudemment, il a décidé de ne plus voir Morozov. Son nouveau contact avec les dissidents est une jeune femme qui, parenthèse, deviendra sa femme beaucoup plus tard. Au cours de l'été 78, un dossier arrive sur son bureau. Un important dissident va être arrêté. Mais il lui est impossible de joindre son intermédiaire. Cette jeune femme, là, oui. Oui. En désespoir de cause, il téléphone à Morozov. Grave erreur, car la ligne de ce dernier est sur écoute. Alors que se passe-t-il ? Le mathématicien est immédiatement arrêté, sévèrement interrogé. Et il finit par craquer et livrer le nom d'Orekhov. La suite est sans surprise. Le pseudo Kletochnikov est à son tour interpellé et c'est son supérieur, un certain Trofimov, qui l'interroge à de nombreuses reprises, pendant 9 longs mois, et qui instruit donc son dossier d'accusation. Trofimov, comme le personnage de Tchekhov ? Oui, et ce Trofimov fait du zèle, car cette défection d'un officier du KGB est une sale affaire pour le 5e département. Ouais. Il convient donc de charger Orekhov. Et surtout d'établir qu'il s'agit là d'un cas unique. Et comment se conduit Orekhov, là ? Très courageusement et sans se renier. Il sait bien sûr qu'il va être lourdement condamné. Mais ce qu'il veut éviter par-dessus tout, c'est son enfermement en hôpital psychiatrique. Il va y échapper ? Oui, grâce à la sollicitude d'une jeune femme médecin. Mais aussi parce que de plus en plus de voix s'élèvent en URSS, même pour dénoncer ces enfermements psychiatriques arbitraires et scandaleux. En tout cas, en mai 1979... Orekhov est condamné par une cour martiale à 8 ans d'emprisonnement dans un camp spécial à régime sévère. Un procès qui s'est déroulé, bien entendu, dans le plus grand secret. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui encore, le FSB, qui a succédé au KGB, refuse de communiquer le dossier Orekhov. Ouais, c'est étonnant. Et Morozov, alors, qu'est-il devenu ? Il était obligé de témoigner à charge contre Orekhov et il a été à son tour condamné à la relégation hors de Moscou. Mais assez courageusement, il y reviendra pour distribuer l'archipel du Goulag. À nouveau arrêté et emprisonné dans un camp, il finira par se suicider. Est-ce le remords d'avoir trahi Orekhov ? On peut le penser. Et pendant ce temps-là, Orekhov, lui, purge sa peine. Et dans des conditions très difficiles. Car cet homme qui est venu au secours des dissidents n'est pas reconnu par ses camarades de détention. Est-ce qu'il restait pour eux un officier du KGB ? Et en Occident, est-ce qu'on a parler d'Orekhov? Oui, mais une seule fois. C'est la BBC qui a évoqué ce cas sans précédent d'un officier du KGB arrêté pour avoir aidé des dissidents. mais sans donner beaucoup de détails. Et quand Rekov redevient-il un homme libre ? En 1986. 1986, c'est le début de la glasnost et de la perestroïka. Hein. Certes, mais il n'empêche que Viktor Rekov reste étroitement contrôlé et doit pointer tous les jours dans un commissariat. Enfin, il lui est très difficile de trouver un travail, car il est considéré comme un traître à la patrie. Pourtant, il parvient à se placer comme manutentionnaire, puis crée une petite entreprise de confection de blousons. Mais il va faire une erreur. Quoi ? En 1990, il prend contact avec un journal. Il veut raconter son histoire. Ouais, une tentative de réhabilitation, en quelque sorte. D'abord, le journaliste à qui il s'adresse est incrédule. Mais finalement, il va publier son récit en 1991. Et c'est une sorte de coup de tonnerre. Le KGB, qui existe encore, prend très mal cette publication et menace à la fois le journal et le témoin principal de l'article. Rekov, oui. Ouais, seule conséquence heureuse pour Rekov, il peut enfin rencontrer tous ces dissidents qu'il a aidés, mais se sont si longtemps méfiés de lui. Il devient une sorte de héros. On peut le dire, et il devient célèbre. Mais c'est aussi le moment où l'URSS va disparaître. Et Rekov parcourt le pays en donnant des conférences sur son expérience. Mais il ne s'est pas rendu compte que les gens qui l'ont condamné sont toujours au pouvoir. Trofimov, par exemple. Il a même été promu, puisqu'il est devenu le numéro 2. Du FSB. Ouais, c'est-à-dire la branche de l'ex-KGB chargée de la sécurité intérieure. Et Trofimov goûte peu la nouvelle célébrité de Rekov, qui dans ses articles ou ses conférences l'accable d'épithètes peu flatteuses. Il le traite même de petit flic incompétent et arrogant, alors que Trofimov monte encore en grade et prend la tête du FSB de Moscou. Mmh. Conséquence alors ? Trofimov va se venger. Il monte une véritable machination contre son ancien subordonné. Je vous passe les détails de cette affaire compliquée, mais en gros, Trofimov se débrouille pour qu'un vieux pistolet inutilisable soit déposé chez Rekov. Celui-ci le découvre, et comme il transporte souvent de grosses sommes d'argent provenant de son commerce de plus en plus prospère, il le met machinalement dans la boîte à gants de sa voiture. Oui, parce que c'est l'époque où Moscou est une ville très dangereuse. Et bien sûr, Rekov est contrôlé par la police. Le pistolet est saisi, et miracle, quand Rekov passe devant le tribunal pour port d'armes non autorisées, l'arme est en parfait état. Et c'est le retour dans un camp à régime sévère. Pour la simple possession d'une arme. Oui, mais Rekov est un ancien traître. Il ne faut pas l'oublier. Un ancien traître. Rekov a-t-il été soutenu ? Oui, par les anciens dissidents et même par le Parlement européen. Donc, il finit par être libéré. Mais on lui fait comprendre qu'il ne serait plus jamais tranquille dans sa patrie. Et il a fini par s'exiler aux États-Unis, où il vit misérablement, apparemment caché. Parce qu'il a encore peur ? Bah, on peut le penser, bien que ce Trofimov ait fini par être tué par des gangsters avec qui il était sans doute en affaire. Alors, la plus grande erreur de Rekov, il a lui aussi, comme autrefois les dissidents, méconnu la toute-puissance de ses services secrets qui donneront bientôt, en 1999, un président à la Russie. Je vous rappelle le titre du livre de Nicolas Jallot qui raconte par le menu la terrible épreuve de ce dissident exceptionnel, Viktor Rekov, un dissident au KGB. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez communiquer avec nous. Rebecca de Nantes a préparé cette émission. Merci aussi à Michel Billou, Fabrice Laigle et Monsieur Djou pour ses notes de musique. Et tout de suite, après le flash CO2, mon amour, de Denis Chessou, sacrément écologique.